Yeah. Je connais l'envers du décor, ici c'est fuck les ports. J'en place une pour mon équipe, je donne record d'abord. Je suis la voix enragée d'un peuple qu'on déshonore, mais qui reste fier et fort, une cicatrice dans le cœur. Explicite lyrique, son marge m'enflamme comme le phénix. Viens, je t'emmène, j'ai pas d'ailes mais des hélices. Loin du système qui te rejette et qui t'enlise. Loin de ces gens qui veulent te voir faire tes valises. Elle de négro, j'ai le seum, cette rage que je canalise. Marre de ces discriminations qu'on banalise. Va y avoir du sang et tes dents sur mes tennis. Tu prétends être le boss, mais tu bosses avec la police. Fuck, j'ai pas le temps dans le rap, faut que je m'immisce. Militant, je milite, mais sans banderole, y'a des limites. Tu veux clasher un, comme disent les ricains, just a minute, je vais t'humilier comme t'as pas idée. C'est pour ceux qui bouffent la yaska, ceux qu'on appelle Kaira. Tous partent de la rue, mais la plupart ne la connaissent pas. Violent, j'ai la tape pas, je représente les miens, même si je fais pas dans la hasba. L'état veut nous hagar, Kaya, toi qui sais pas, les vendus vont pas lire. Tremble les bandes de tarpa, ici y'a pas de resta, on se tape tous les jours quand d'autres se mettent à quatre pattes. L'envers du décor, tu connais, on veut le jackpot. Ok, c'est le KO. J'augmente le niveau, nouveau MC, nouveau flow. Une sacrée haine de négro. J'm'impose comme le fléau, mais loin d'être fêlé. Ok, mon street album est sous-scellé. Tu m'as dit c'est sans espoir, j'arrive en force et j'vais pas me gêner. Choqué. Tu te demandes c'est qui la suit, l'MC qui ressuscite le rap. Et si je prends le mic, c'est pour la street que je me tape. Nos valeurs et nos droits, bafoués par l'état. Et pour ça je lève mon majeur, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Ils disent que le rap est mort, à toi de leur prouver qu'ils ont tort. Putain, même les lutins font de la lutte pour te voir chuter. À 12 piges ça fume du shit, un an plus tard ils veulent déjà te buter. Tous solidaires pour te voir chuter. Chut, la bacrode et les lions sont agités. On fait bouger les cités, ça va gicler dans les jetés. Ceux qui bouffent la yaska, ceux qu'on appelle Kaira. Tous part de la rue, mais la plupart ne la connaissent pas. Violent, j'ai la tape pas. Je représente les miens, même si je fais pas dans la hasba. L'état veut nous hagar. Kaya, toi qui sais pas, les vendus vont pas lire. Tremble les bandes de tarpa. Ici y'a pas de resta, on se tape tous les jours quand d'autres se mettent à quatre pattes. L'envers du décor, tu connais, on veut le jackpot. Pour ceux qui bouffent la yaska, ceux qu'on appelle Kaira. Tous part de la rue, mais la plupart ne la connaissent pas. Violent, j'ai la tape pas. Je représente les miens, même si je fais pas dans la hasba. L'état veut nous hagar. Kaya, toi qui sais pas, les vendus vont pas lire. Tremble les bandes de tarpa. Ici y'a pas de resta, on se tape tous les jours quand d'autres se mettent à quatre pattes. L'envers du décor, tu connais, on...